Connais-toi toi-même est l'un des trois préceptes gravés sur le fronton du temple de Delphes et souvent rapporté dans les écrits de Platon notamment. Dans ce temple, la parole du dieu était transmise par un intermédiaire, la Pythie, que les humains pouvaient venir consulter. La phrase est encore citée aujourd'hui comme étant emblématique de l'attitude philosophique par excellence. Mais que veut-elle dire? Que la philosophie antique aurait pour but la connaissance de soi, aux dépens des autres, aux dépens du monde? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le soi a un sens très différent, d'où d'innombrables contresens suscités par cette phrase à travers les siècles d'histoire de la philosophie. Alors on commence avec le plus beau de ces contresens, la connaissance de soi comme principe managérial et invitation à ne pas rater sa vie. Connais-toi toi-même est inscrit au frontispice du temple de Delphes. Cette pensée a inspiré Socrate. C'est pour lui la recherche de l'excellence, celle qui doit guider l'action, pour donner le meilleur de soi-même. C'est toute la valeur des outils de feedback à 360 degrés. Comme un bon management des autres, commence par un bon management de soi. Il faut se poser 5 questions déterminantes. À bientôt. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Bonjour Fulcran Tesserin. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Oh, très mal. Ah oui? Oui. Et pourtant vous êtes philosophe et spécialiste de la philosophie antique, de Platon, de Socrate, donc ça veut dire qu'en fait, connais-toi toi-même, on ne doit pas se l'appliquer à soi-même? Ah si, c'est un programme, ça ne veut pas forcément dire que vous allez remplir le programme et que vous allez pouvoir répondre à la question, si du moins c'est une question. Ah oui, c'est là toute la question. Voilà. Vous enseignez la philosophie, vous êtes professeur de lettres et de première supérieure au lycée Lacanale à Sceaux. Est-ce que vous, cette phrase-là, cette citation, connais-toi toi-même, vous l'enseignez, vous en parlez en cours? Ben, finalement, assez peu. Je me suis rendu compte que j'avais rarement l'occasion d'aborder cette maxime. Parce que sa place, d'abord, dans le corpus philosophique, est réservée quasiment à Platon. Aristote y fait une vague allusion, et d'ailleurs plutôt dans un texte qu'on a perdu, dont on n'a conservé que quelques fragments, mais pas dans ses textes les plus connus. Et puis, les autres, quand ils se réfèrent à cette maxime, se réfèrent à ce qu'en dit Socrate dans les dialogues. Et dans les dialogues platoniciens, cette maxime elle-même occupe une place à la fois, je dirais, centrale, parce qu'elle répond évidemment, enfin en tout cas elle est reprise par Socrate pour comme mot d'ordre en quelque sorte de sa propre philosophie, la référence à Delphes et à cette maxime du fronton de Delphes, du temple d'Apollon, cette référence est souvent marginale dans les textes. Voilà. Donc, j'ai pas été souvent appelé à commenter les textes où elle figure. Voilà. Et pourtant, cette phrase a une postérité incroyable, puisqu'encore aujourd'hui, on cite cette phrase-là comme étant l'essence même de ce qu'est la philosophie antique, ou en tout cas socratique. Oui, c'est exact, c'est exact. Il faudrait donc, je vais m'employer peut-être aujourd'hui à corriger cette lacune, à remplir cette absence de mon enseignement. Voilà. Eh ben, écoutez, j'en suis ravi. Peut-être un mot sur le contexte. J'ai dit que cette maxime, comme vous dites, était se trouver sur le fronton du temple de Delphes. Peut-être expliquons, présentons ce que c'est que ce temple de Delphes. Et puis en plus, c'est pas la seule maxime qu'on trouve sur ce fronton. Non, c'est pas la seule maxime. Il y en a une autre qui est très connue, c'est « Médanagan, rien de trop hein. ». J'y viendrai. Alors c'est une maxime, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a été écrite sur ce fronton. Probablement l'a-t-elle été au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est assez incertain. Platon raconte une histoire à ce sujet, Aristote dit que la datation est encore plus ancienne, donc on ne sait pas trop. Mm-hmm. On ne connaît pas exactement les auteurs, on attribue classiquement cette formule aux sept sages de la Grèce, mais c'est assez incertain. En revanche, ce qui est un peu moins incertain, c'est probablement la signification religieuse qu'elle pouvait avoir pour les Grecs de l'époque. Avant, évidemment, sa reprise par les philosophes et par Socrate en particulier. Je crois que c'était une invitation à connaître sa condition, hein, sa place dans le monde, entre les bêtes et les dieux. Donc à déterminer ce à quoi le destin nous porte, sans chercher à en dépasser les limites. On pourrait dire aussi que c'est une maxime qui nous invite à prendre la mesure de ce que nous sommes et à nous y tenir. Et puisque nous sommes des mortels, tout particulièrement, il faut refuser les vaines chimères de l'immortalité, hein, ne jamais céder à l'hubris, à la démesure, qui serait toute tentative d'empiéter sur le domaine des dieux ou d'arrêter la flèche du destin. Mmh. Voilà. Alors si on pourrait peut-être illustrer le sens de cette maxime au 6e siècle avant Jésus-Christ, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, en se référant à Pindare, par exemple. Qui est Pindare ? Alors Pindare, c'est un poète, un grand poète de l'époque archaïque, hein, c'est-à-dire du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui est connu pour les odes qu'il adresse aux vainqueurs des différents jeux sportifs de la Grèce. Et il en écrit une, notamment la troisième pythique, qu'il adresse à Hiéron, qui est le roi de Syracuse et qui est très malade, très souffrant. Mmh. Et dans cette troisième pythique, dans cette ode, il raconte la naissance d'Esculape. Et Esculape, c'est le fils d'Apollon et de la nymphe Coronis. Et cette Coronis, cette nymphe, elle est tuée par Apollon lui-même, parce qu'elle a connu un homme juste après s'être unie à lui. Et donc, Apollon fait déclencher par Artémis le feu qui va consumer toute la région où séjourne la nymphe, sauf qu'il a un remords au dernier instant, et il arrache du bûcher l'enfant au flanc de sa mère, et va le confier, donc son propre enfant, à Chiron, le centaure, qui va l'instruire de tous les secrets, de tous les remèdes de la médecine, et c'est ainsi qu'Esculape sera le père fondateur de la médecine grecque. Et nouvel acte de démesure de la part d'Esculape, cette fois-ci, non plus de sa mère, parce que appâté par l'or que lui offre un malade fortuné, il s'efforce de l'arracher aux griffes de la mort, contrevenant ainsi à la destinée qui a été fixée pour lui. Et donc, Apollon, à nouveau en colère, va punir les deux insensés, le médecin et son malade, en les foudroyant. Mmh. Et c'est alors que Pindare prononce le conseil suivant. Je le cite, « Il faut demander ce qui convient aux divinités avec notre esprit mortel, en connaissant ce qui est à nos pieds et quelle destinée nous avons. » Alors ce conseil, que je trouve assez proche dans son esprit de ce que recommande la maxime de Delphes, elle est suivie par ces deux vers, ce conseil est suivi par ces deux vers très célèbres, « Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. » Donc ça veut dire que c'est un conseil à ne pas se prendre pour Dieu. À ne pas se prendre pour Dieu, à savoir respecter le destin, à savoir garder la mesure. D'ailleurs, dans la même pythique, il raconte ensuite ce qui est arrivé à deux mortels favorisés par la fortune et qui ont connu un extraordinaire bonheur. Mais ce bonheur a fait de l'ombrage aux dieux et les dieux ont puni ces mortels. Et il y a aussi cette phrase de Pindare et qui, à mon avis, entre en résonance avec la maxime de Delphes. Le bonheur des hommes ne va pas loin, surtout lorsqu'il les accable par son excès. Et ici, il faut bien comprendre que cette sagesse grecque archaïque fait, je crois, rejoindre deux types d'enseignements. Le premier, c'est celui que je disais à l'instant, connaître et garder sa place dans l'ordre du monde. Et le second, qui est que tout excès de bonheur se paye fatalement par le malheur. Et la réussite insolente, elle fait toujours de l'ombre aux dieux, qui ne manque jamais de ruiner celui dont l'éclat est devenu trop grand. Hein. Et c'est pas simplement une affaire de représailles ou de vengeance divine, c'est aussi le fait que il y a une mécanique passionnelle. Et on va revenir Gnotis auton, au connais-toi toi-même. Ceux qui s'écartent de la ligne de vie, hein, qui correspond à leur nature, à leur talent, à leur disposition, précisément par l'abus même qu'ils font de leurs dons, eh bien, ces gens-là s'aveuglent. S'aveuglent sur eux-mêmes, et s'aveuglant, ils perdent de vue leurs failles, leur insuffisance, leur fragilité, leur dépendance. Et c'est ainsi qu'ils s'exposent d'eux-mêmes et sans le savoir au plus grand des malheurs. Mais c'est difficile de ne pas entendre dans ce que vous dites une dimension morale qui, me semble-t-il, serait encore un contresens. Ce serait de plaquer notre morale chrétienne sur cette fameuse maxime en disant « Mais au fond, si tu agis mal, si tu n'agis pas en tant qu'homme, alors eh bien, les dieux se vengeront et quelque chose de mauvais, le malheur tombera sur toi. » Or, il me semble qu'un des sens justement de ces contresens, enfin une des raisons de ces contresens, c'est que, un, on lit cette phrase-là avec notre psychologie contemporaine, le connais-toi toi-même est forcément un moi, une intériorité, et deuxièmement, avec une morale qui n'était pas celle qui était en vigueur à l'époque. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas ici de vouloir désobéir aux dieux parce que ces dieux nous auraient prescrit je ne sais quel commandement, et il appartiendrait donc aux créatures de ces dieux de respecter la loi divine. Non, quand je parle d'une punition, mais d'une punition qui est tragique en fait, parce que ce que les dieux sanctionnent, c'est l'aveuglement même des hommes. Mmh. Et pourrait-on dire, au fond, c'est les hommes qui se punissent eux-mêmes. Les dieux ne font que laisser en quelque sorte le cours du destin s'accomplir, et il va s'accomplir inévitablement dès lors que les hommes se prennent pour des dieux, c'est-à-dire croient à leur talent, à leur intelligence, à leur supériorité, et tellement persuadés de leur valeur et de leur grandeur que ils ne voient plus par où ils sont fragiles, par où ils sont insuffisants et lacunaires, et donc du coup évidemment, ils font des erreurs, ils commettent, ils font des mauvais choix, et par là même, ils se punissent eux-mêmes. Hein, c'est Oscar Wilde qui disait, lorsque les dieux veulent punir les hommes, ils exaucent leurs désirs. Eh bien, je crois qu'il a parfaitement vu ici ce que voulait dire, en tout cas, Pindare. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, mais voici donc, point du tout. M'y voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de quatre contresens philosophiques cette semaine. Le premier, connais-toi toi-même, une maxime que l'on trouve inscrite sur le fronton du temple de Delphes, que l'on trouve à plusieurs reprises dans le corpus de Platon, prononcé parfois par Socrate. Et mon invité Fulcran Tessera nous a expliqué dans quel sens cette formule n'était pas interprétée comme étant une invitation à l'introspection, à la connaissance de soi en tant qu'individu, ce qui est vraiment un contresens, mais au contraire comme étant, et vous avez insisté, vous avez prononcé à plusieurs reprises ce terme-là, le fait de connaître sa propre mesure, telle cette grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf à tel point qu'elle en crève. La Fontaine invite à sa façon à se réconcilier ou à accepter, à tenir la place que nous avons. Arrêtons-nous sur cette dimension-là, cette histoire de mesure, la juste mesure et occuper la place qui est la nôtre. Cette maxime désigne bien la place qui est la nôtre en tant qu'homme, c'est ça? Oui, bien sûr, en tant qu'homme, oui. En tant qu'homme, la place de l'homme dans l'univers. La place de l'homme dans l'univers, et peut-être aussi, ça peut aller jusqu'à la place de l'homme dans la société, hein, et ça peut inclure aussi la connaissance même de sa nature plus particulière, pas simplement le fait d'appartenir à la nature humaine, mais le fait d'être de telle ou telle individualité, le fait d'avoir... Ah oui, il y a quand même la notion d'individualité. Je pense qu'il peut y avoir aussi une compréhension de ce que l'on est de façon plus particulière, plus individuelle. En tout cas, on voit par exemple chez Héraclite une interrogation qui est de cet ordre. Héraclite est un pré-socratique. Est un pré-socratique. Plusieurs siècles avant Socrate. Voilà. Une centaine d'années entre, on ne sait pas trop, 70 ans avant Jésus, avant Socrate. Alors. Dans son fragment 101, par exemple, et là c'est vraiment un écho à ce que dit le précepte delphique, il dit « je me suis cherché moi-même ». Ça c'est Héraclite qui le dit. Ça c'est Héraclite qui le dit, vous voyez. Donc il s'est cherché, il ne dit pas qu'il s'est trouvé d'ailleurs. Il renvoie à Delphes et il dit, dans le fragment 93, « le maître dont l'oracle est celui de Delphes, ni ne dit, ni ne cache, mais donne des signes. Mmh. » Alors, cette phrase, elle a été très largement débattue, mais il y a un sens, à mon avis, qui est possible de lui trouver en rapport précisément avec le précepte delphique. Après tout, on peut estimer que Héraclite, partant à la recherche de lui-même, se sondant, examinant celui qu'il est, découvre donc une sorte de discours intérieur, une voix dont il ne perçoit pas exactement la signification. De ce point de vue, le connais-toi toi-même, l'oracle. Alors c'est pas tout à fait ici l'oracle parce que c'est simplement ce qui est écrit sur le fronton. Mais disons que la parole de la pitié. Si elle reprend en partie la consigne du fronton, peut équivaloir à ce que découvre Héraclite en se scrutant, en scrutant son intériorité. Il découvre une parole énigmatique. Et d'ailleurs, il dira un peu plus loin, dans un autre fragment, la chose suivante : tu ne trouverais pas les limites de l'âme, même parcourant toutes les routes, tant elle tient. Un discours profond. Mmh. Et donc, il y a ici, quand même, chez Héraclite, je crois, la conscience d'une forme d'énigme que l'on est pour nous-mêmes. Connais-toi toi-même, et conscient de l'énigme que tu es à toi-même. Voilà, et conscience de l'énigme que tu es à toi-même. Alors, en outre, je crois que chez Héraclite, cette ambiguïté qui nous caractériserait rejoint au fond l'ambiguïté même de la nature, qui est conciliation des contraires ou harmonie des contraires. Et donc, de ce point de vue, en se sondant soi-même, on retrouve quelque chose qui est présent au cœur même de la nature et qui est la tension ou l'harmonie des contraires. Oui, mais ça, c'est toute la question. C'est dans quelle mesure faut-il entendre cette citation comme étant une invitation qui est faite à l'homme de réfléchir sur la place qu'il occupe dans cette nature. C'est-à-dire qu'il appartient à la nature, il est fait de cette nature, mais il ne se réduit pas à la nature qui l'entoure à la fusil. Il y a aussi quelque chose qui fait le propre de l'homme qu'il est. Oui, alors chez Héraclite, on pourrait dire que les deux viennent à converger. Mmh. En scrutant l'âme, on découvre au fond la même nature que dans la nature. Bon, et la même ambiguïté, la même tension entre les contrariétés, et donc du coup la même indécision quant au discours qu'on peut tenir sur elle. Pas chez Socrate. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et alors chez Socrate, évidemment, l'enquête sur soi va prendre toutes sortes de détours, de tours et de détours, et elle va devenir évidemment un programme de vie, puisque dans l'Apologie, il va préciser qu'une vie qui ne s'examine pas ne mérite pas d'être vécue. Voilà. Donc chez Socrate, on n'est pas face à une énigme. On est face à un travail permanent d'examen de soi qui doit permettre de déterminer si nous avons, oui ou non, connaissance de ceci, connaissance de cela, ou au contraire, simple opinion, voire tout simplement une ignorance relative à telle ou telle chose. Donc ici, le travail d'examen de soi est un travail qui consiste à détecter en soi la présence de connaissances ou, plus sûrement encore, la présence d'une opinion qui se fait passer pour une connaissance. Et donc, tout le travail d'analyse intérieure, cette fois-ci, va être de dévoiler l'ignorance qui prend la forme d'une connaissance. D'accord, donc la connaissance commence par l'ignorance, et se connaître soi-même, c'est prendre conscience de cette ignorance. C'est prendre conscience de cette ignorance, en tout cas prendre conscience d'un certain nombre d'opinions que l'on croit à tort, que l'on fait passer à tort, à nos propres yeux d'ailleurs, pour des connaissances. Allez-y. Alors, on voit ça dans l'Apologie, Socrate va d'ailleurs préciser dans l'Apologie... Et donc l'Apologie texte, de Socrate. L'Apologie hein, de Socrate, sa défense devant les citoyens d'Athènes lors de son procès. On l'accuse, hein, comme vous le savez, d'avoir corrompu la jeunesse, d'avoir renoncé au dieu de la cité. Et il précise dans sa défense que lui n'est pas du tout comparable à ses prédécesseurs qui étaient... des physicoïdes, des gens qui s'intéressaient à la nature, à comprendre le monde physique dans lequel nous étions. Et il indique très précisément que son objet, ce n'est pas ça, hein, mais c'est au contraire la connaissance de soi, hein, et la connaissance de son âme. Et donc, il y a évidemment chez Socrate une identité entre soi et âme. Voilà. J'ai bien conscience, moi, de n'être savant ni peu ni prou. Que veut donc dire le Dieu quand il affirme que je suis le plus savant ? Je décidai de m'en enquérir en procédant à peu près de cette manière. J'allais trouver un de ceux qui passent pour être des savants, en pensant que là, plus que partout, je pourrais réfuter la réponse oraculaire. Je procédai à un examen approfondi de mon homme. Point n'est besoin de divulguer son nom, mais qu'il suffise de dire que c'était un de nos hommes politiques. Et de l'examen auquel je le soumis, de la conversation que j'eus avec lui, l'impression que je retirais, athénien, fut à peu près la suivante. Cet homme-là, me sembla-t-il, passait aux yeux de beaucoup de gens, et surtout à ses propres yeux, pour quelqu'un qui savait quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. Ce qui m'amena à tenter de lui démontrer qu'il s'imaginait savoir quelque chose alors que ce n'était pas le cas. Et le résultat fut que je m'attirais son inimitié et celle de plusieurs des gens qui assistaient à la scène. En repartant, je me disais donc en moi-même « Je suis plus savant que cet homme-là. » En effet, il est à craindre que nous ne sachions ni l'un ni l'autre rien qui vaille la peine. Mais tandis que lui, il s'imagine qu'il sait quelque chose, alors qu'il ne sait rien, moi qui effectivement ne sais rien, je ne vais pas m'imaginer que je sais quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression d'être plus savant que lui, du moins en ceci qui représente peu de choses. Je ne m'imagine même pas savoir ce que je ne sais pas. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Redt. Connais-toi toi-même est le contresens philosophique du jour que nous examinons ce matin en compagnie du professeur de philosophie Fulcrand Tesserin, et le texte que je viens de lire, un extrait de l'Apologie de Socrate, de Platon, donc explique clairement ce que vous étiez en train de dire, Fulcrand Tesserin. En clair, pour Socrate, connais-toi toi-même est une invitation à la connaissance de soi, et cette connaissance de soi, cette réflexivité, qui est l'essence même de la philosophie, ne peut pas se faire sans savoir pour point de départ l'ignorance qui nous caractérise. Et là, on en arrive peut-être à un autre malentendu assez célèbre, Socrate qui dit « je sais que je ne sais rien » et c'est le point de départ de toute forme de connaissance. Alors, la formule « je sais que je ne sais rien » n'est pas socratique. Elle n'existe pas chez Socrate. D'autres la lui ont attribuée, mais vous ne la trouvez pas dans les textes. C'est encore un autre malentendu. Ouais. Voilà. Et heureusement qu'on ne la trouve pas parce qu'elle est contradictoire. C'est un peu comme Épiménide le menteur. Si Épiménide ment tout le temps, si Épiménide dit je mens et je mens tout le temps, ment-il quand il dit que je mens ? Bon, et si Socrate dit je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais absolument rien, alors il ne sait pas qu'il ne sait rien. Bon, et donc on a des contradictions de cet ordre qui pullulent. Bien. Donc Platon, qui est un écrivain très économe de ses mots et très précis, ben justement, ne met pas dans la bouche de Socrate une affirmation contradictoire de cet ordre. En revanche, évidemment, Socrate dit « je ne m'imagine pas savoir quand j'ignore ». C'est ça. Voilà. C'est la dernière phrase du texte que j'ai lu. Donc, il y a, et c'est ça l'examen auquel il se livre avec les autres et en même temps avec lui-même, on regarde ce qu'ils affirment, ou ce que Socrate pourrait lui-même affirmer en se mettant à leur école, et on s'aperçoit que ces propositions-là, en réalité, ne sont pas connues avec certitude, et pour une raison toute simple, c'est qu'elles entrent en conflit avec d'autres propositions que l'on reconnaît comme valables. C'est vrai, en même temps, il va y avoir un homme politique. Oui. Quand on veut examiner le savoir de quelqu'un, la politique n'a pas pour vertu de mettre en scène un savoir. Non, mais sauf que vérifiable. Sauf que souvent les politiques prétendent connaître ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est utile à la cité. Et c'est parce qu'ils ont cette connaissance-là que justement ils aspirent au pouvoir. Bon. Alors, évidemment, Socrate n'a pas de mal souvent à leur faire avouer que, en réalité, la connaissance qu'ils ont du bien ou du mal, du juste ou de l'injuste, est tout à fait insuffisante. Insuffisante parce que contradictoire, parce que, en fait, l'opinion qu'ils ont entre en conflit avec d'autres opinions. Et donc, cette contradiction, évidemment, dévoile leur propre ignorance, en tout cas, montre, leur fait toucher du doigt que ce qu'ils pensaient savoir, eh bien, en fait, ils l'ignorent. Voilà. Et Socrate est... accompli sa mission, pourrait-on dire, a reçu donc de l'oracle de Delphes, consulté par un de ses amis, Chéréphon, qui est allé voir l'oracle et qui lui a dit « Mais c'est qui l'homme le plus sage de la Grèce ?» Et on lui a dit « Ben, le plus sage de la Grèce, c'est évidemment Socrate. » Et il rapporte ça à Socrate, et Socrate est tout étonné parce que lui-même prétend justement ne pas du tout être un de ces savants comme l'ont été ses prédécesseurs, qui assuraient avec très grande fermeté que la nature c'était ceci ou c'était cela. Bon, lui renonce à une connaissance de la nature, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il renonce aussi à l'assurance de ses prédécesseurs. La connaissance qu'il revendique pour lui est une connaissance beaucoup plus modeste, limitée à l'humain, et aussi toujours provisoire, en tout cas, qui a une forme de faillibilité. En tout cas, il admet parfaitement que ce qu'il soutient éventuellement comme thèse pourrait être éventuellement réfuté. Jusqu'à présent, ce n'a pas été réfuté, donc en cela, c'est quelque chose, c'est un certain type de savoir qu'il a, mais ce n'est pas un savoir absolu. Socrate refuse évidemment tout savoir absolu relatif à l'humain et relatif aux vertus, qui sont ses objets d'enquête. Donc se connaître soi-même, c'est se connaître comme n'étant pas savant. Oui. Jamais. Jamais. Sur n'étant pas savant à propos de telle ou telle question. C'est ça. Donc c'est aussi une manière de dire que le philosophe qu'il est, parce qu'il parle en tant que philosophe, c'est ça aussi telle la différence. Connais-toi toi-même quand on est philosophe, c'est peut-être pas la même injonction que lorsqu'on ne l'est pas. Oui. Et on pourrait dire encore que le connais-toi toi-même n'est pas pris de la même manière lorsqu'on est un sophos, au lieu d'être un philosophe. Un sophiste Alors, un sophos, ça peut être aussi bien un sophiste, qui lui, à la limite, est assez indifférent au genre de réponse que l'on peut apporter à cette, à ce programme, hein, ou à la question « qui suis-je ?» Au fond, il pourra fournir n'importe quel type de réponse selon les circonstances. Et puis, il y a le sophos aussi, le présocratique, le philosophe présocratique, qui, lui, prétend détenir la vérité, être un maître de vérité. Voilà. Et donc, Socrate, comme philosophe, n'est ni sophiste, ni maître de vérité de ce point de vue-là. Hein. Et d'ailleurs, sa pratique de la philosophie est une pratique qui consiste à discuter avec les autres. Hein. Et c'est dans le cadre de cette rencontre avec les autres qu'il discute aussi avec lui-même. Hein. C'est cette interrogation permanente qui fait, je dirais, le sens même de la philosophie socratique. Donc au fond, il faut entendre dans la mise en œuvre socratique du précepte delphique « Connais-toi toi-même », une prise de position, on va dire, contre les opinions, contre le dogmatisme, au fond, c'est ça. Oui. C'est contre la prétention à détenir un savoir, au fond, oui, que Socrate s'oppose. C'est ce qu'il appelle le ridicule du savant dans le Philème, hein, je crois. Alors ça peut, oui. Alors là c'est une allusion au pouvoir de la comédie. Hein, la comédie qui, selon Socrate, a pour vertu et en même temps pour cruauté, de révéler la vanité des hommes et de faire rire de leur vanité. Et la vanité, c'est à la fois, je dirais, le vide et l'orgueil. Mmh. Hein, et l'inconscience que la plupart des hommes ont de leur propre vide, hein, qui justement les transforme en bœuf. Voilà. En bœuf ou en trissotin, ouais, c'est le cas des femmes savantes de Molière. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame. Et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait, comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts, et non pas la science. Vous avez cru fort mal, et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes, puisqu'ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et sot. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un fat devient impertinent. Et voilà ce dialogue entre Clitandre et Trissotin qu'on trouve à la scène 3 de l'acte 4 des Femmes savantes de Molière, ici dans une mise en scène de Simon Aineux, c'est diffusé sur France Culture en 1998, illustre exactement la réflexion socratique. Vaut-il mieux, Fulcrand Tesserin, ne pas savoir ou faire semblant de savoir? Vaut-il mieux être ignorant ou bête? Finalement, c'est exactement la question, la discussion qu'ils sont en train d'avoir. Socrate dit clairement qu'il vaut mieux savoir que l'on ne sait pas. Donc être ignorant, et lucide sur son ignorance. Être lucide sur son ignorance. Alors ce qui est amusant, c'est que chez Socrate, il y a pas mal d'arguments ad hominem, hein, qui s'en prennent aux individus eux-mêmes. Et nous entendions un échange où on s'interrogeait sur les exemples, et qui sont les exemples de ce ridicule de la science. Eh bien, ouais. On trouve ça assez fréquemment dans les dialogues socratiques, où Socrate dit, mais toi qui prétends savoir, montre-moi que tu sais, ou dis-moi qui sais-tu qui sait et qui peut enseigner. Et si il sait, il enseigne. Ce que l'on sait, on doit pouvoir l'enseigner, et par conséquent, on doit pouvoir qui il a formé. Et donc, régulièrement, vous avez Périclès qui est mis en cause parce que ses enfants sont des parfaits imbéciles. Et donc, c'est bien la preuve qu'il n'avait pas le savoir qu'il prétendait posséder, parce que s'il l'avait eu, il l'aurait naturellement enseigné et transmis à ses enfants. Et ainsi de suite, vous avez toutes sortes d'exemples qui vont dans ce sens-là chez Socrate. Donc, voilà, je pense que Socrate n'hésite pas, comme Molière, se livrer à des attaques ad hominem. Voilà. C'est ça. En mettant, voilà, vous parliez de l'importance de la comédie, il faut quand même préciser que Aristophane va se moquer de Socrate et de cette prétendue ignorance dans ses comédies. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, ceci dit, on remarquera que même dans l'Apologie, Socrate qui évoque le portrait peu flatteur qu'a fait de lui Aristophane n'est pas particulièrement méchant à l'égard d'Aristophane. Et on dit d'ailleurs que Platon avait sur son chevet les comédies d'Aristophane. Voilà. Pas rancunier donc. Non. Connais-toi toi-même. Et si cette phrase-là pouvait être comprise différemment, elle a d'une autre formule qui serait « regarde-toi toi-même ». C'est ce que propose Platon dans un autre texte, cette fois-ci l'Alcibiade, dans lequel la métaphore de la vision va devenir pour lui le moyen de montrer que finalement se connaître soi-même, c'est aussi reconnaître en soi la part divine. de l'homme. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ce texte avant qu'on l'entende, Fulcrantes? Alors, justement, l'Alcibiade est un texte tout à fait intéressant à ce sujet parce que Alcibiade, c'est justement un personnage haut en couleur, c'est le filleul de Périclès, il est plein d'ambition, à l'époque il est tout jeune, et il est mis à rude épreuve par Socrate, car il souhaite diriger les affaires d'Athènes, s'imposer donc à la tête de la cité, comme a fait son tuteur, Périclès. Et cependant, avec la discussion qui précède hein, dans le dialogue, eh bien, il va s'avérer parfaitement ignorant de ce qui doit déterminer son action politique. Donc, il ne connaît pas le juste, il ne sait pas du tout ce qu'est le juste, il ne sait pas ce qu'est l'utile, il ne sait pas faire la différence des deux, ou au contraire, leur unité. Il ne cesse de changer d'opinion et de jugement. Et d'ailleurs, Socrate souligne à cet égard que s'il avait un vrai savoir, il ne changerait pas comme cela, parce que le savoir ne se modifie pas. Et il souligne aussi que s'il avait une ignorance consciente d'elle-même, eh bien là non plus, il ne le changerait pas parce qu'il dirait toujours la même chose, je ne sais pas. Bon, c'est pas du tout le cas d'Alcibiade qui est plein de prétentions et puis sous la férule de, sous la question de Socrate se révèle finalement complètement ignorant et complètement désarçonné face aux questions de Socrate. Alors, ça veut dire que Socrate, finalement, pardon, Alcibiade, n'a pas eu le souci de son âme. C'est le reproche fondamental que lui fait Socrate. Et il va donc, à présent, devoir remédier à cette situation. Il est encore jeune, il est encore temps pour lui de prendre soin de lui-même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la question de la connaissance de soi va être introduite à partir de la question du souci de soi. Et ce souci de soi, c'est une question qu'il faut entendre, je dirais, dans son sens quasi médical. Avoir le souci de soi, c'est prendre soin de soi-même. Mettre la chose dont on a la garde dans son meilleur état possible. Mais cette chose, c'est l'âme. Alors, on va le déterminer comme ça. D'accord. Ouais. On va le déterminer comme ça. Ce soi, en tout cas, dans l'expression « le souci de soi », le soi, c'est ce qu'il va falloir améliorer. D'ailleurs, c'est dit comme ça, devenir meilleur. Prendre soin, c'est améliorer, c'est pas seulement chouchouter. C'est pas simplement voilà, s'occuper de soi, penser à soi, s'accorder un peu de temps, etc. Non, c'est pas cela, c'est devenir meilleur. Assumer une responsabilité à l'égard de soi, en faisant de soi l'être le plus excellent qui soit. Bon. Évidemment, encore faut-il connaître le soi. Parce qu'on ne peut améliorer qu'une chose que l'on connaît. Et c'est là qu'on va déterminer ce qu'est le soi. On écoute le texte ? On écoute le texte. Lu par Bernard Gabet. Si c'était à notre regard, comme à un homme, que cette inscription s'adressait en lui conseillant « Regarde-toi toi-même », comment comprendrions-nous cette exhortation ? Ne serait-ce pas de regarder un objet dans lequel l'œil se verrait lui-même ? N'as-tu pas remarqué que lorsque nous regardons l'œil de quelqu'un qui nous fait face, notre visage se réfléchit dans sa pupille comme dans un miroir? Lorsqu'un œil observe un autre œil et qu'il porte son regard sur ce qu'il y a de meilleur en lui, c'est-à-dire ce par quoi il voit, il s'y voit lui-même. Mais si au lieu de cela, il regarde quelque autre partie de l'homme ou quelque autre objet, à l'exception de celui auquel ce qu'il y a de meilleur en l'œil est semblable, alors il ne se verra pas lui-même. Ainsi, si l'œil veut se voir lui-même, il doit regarder un œil et porter son regard sur cet endroit où se trouve l'excellence de l'œil. Et cet endroit de l'œil, n'est-ce pas la pupille? Eh bien alors, mon cher Alcibiade, l'âme aussi, si elle veut se connaître elle-même, doit porter son regard sur une âme et avant tout sur cet endroit de l'âme où se trouve l'excellence de l'âme, le savoir, ou sur une autre chose à laquelle cet endroit de l'âme est semblable. Or, peut-on dire qu'il y a en l'âme quelque chose de plus divin que ce qui a trait à la pensée et à la réflexion? C'est donc au divin que ressemble ce lieu de l'âme, et quand on porte le regard sur lui, et que l'on connaît l'ensemble du divin, le Dieu et la réflexion, on serait alors au plus près de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est donc ce que nous sommes convenus d'appeler tempérance. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on avance dans l'enquête grâce à ce texte fulcrant Tesserin, puisque vous aviez dit en début d'émission que Connais-toi toi-même était une manière pour l'homme de se considérer à sa juste mesure, et donc de ne pas se prendre pour Dieu. Et d'ailleurs, à côté du front, sur le fronton du temple de Delphes, on trouvait inscrit également donc « Ne te crois pas Dieu et rien de trop », donc « Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas et rien de trop », une invitation à la juste mesure. Mais dans le texte que l'on vient d'entendre, il semble que regarder l'excellence de son âme, c'est regarder la partie divine de nous-mêmes. C'est-à-dire que d'un côté, il ne faut pas se prendre pour Dieu, mais en même temps, il faut bien comprendre que du divin, il y en a en nous. Oui, peut-être est-ce un texte marqué par l'hubris. C'est-à-dire la démesure. La démesure. C'est-à-dire que là, il en ferait trop, justement. Ce n'est pas écarté. En tout cas, alors, ce texte est intéressant parce que il opère une interprétation du précepte delphique par transposition. Il dit, au fond, supposons que cette maxime s'adresse aux yeux. Et donc, la question serait, voyez-vous vous-même, en s'adressant aux yeux. Alors, la formule ainsi transposée, c'est une invitation à la réflexivité. On voit bien de quoi il s'agit. Est-ce que les yeux peuvent se regarder eux-mêmes ? Problème, non. Ils ne peuvent pas se voir eux-mêmes, ils ne sont pas dotés immédiatement de cette réflexivité. Et donc, il faut qu'ils aient recours à un miroir, à un tiers qui est extérieur. Bon. Alors, soit ce miroir est donné, soit est fabriqué, c'est un artifice, un artefact, soit ils disposent d'un miroir naturel qui est une autre paire d'yeux. Parce qu'il se trouve que la pupille à l'intérieur de l'œil fonctionne comme un miroir. Et donc on peut se voir dans la pupille de l'autre. Ah oui. Dans la pupille de l'autre. Voilà ce que nous dit le texte. Bon. Alors, ce qui est assez étrange parce que je l'analyse. Bon, c'est vrai que dans la pupille, il peut y avoir comme cela un effet miroir. Hein, et on peut remarquer le reflet du visage dans la pupille, mais il est quand même rare que l'on s'observe soi-même. C'est Todorov qui disait quand deux personnes se regardent dans les yeux plus de 5 secondes, c'est soit qu'elles vont se tuer ou essayer de se tuer, soit qu'elles vont faire l'amour. En tout cas, elle ne cherche pas forcément saisir les détails de leur visage dans la pupille de l'autre. Mais bon, ce qui est intéressant dans le texte et dans le propos de Socrate, c'est que l'âme, qui est comparée au regard de l'œil, n'a pas immédiatement conscience d'elle-même, en tout cas la réflexivité, n'est pas une propriété dont elle jouit naturellement, spontanément. Il faut, elle aussi, qu'elle passe par le truchement d'une médiation, d'un terme extérieur à elle. Et ce terme extérieur, c'est une autre âme. Tout comme tout à l'heure, les yeux ne pouvaient se voir qu'à travers d'autres yeux, l'âme ici ne pourra se voir et s'appréhender que par le biais d'une autre âme. Alors, un aspect important ici de ce processus, c'est que vous avez ce que découvre l'âme, là où elle va le mieux s'apercevoir, c'est pas n'importe où dans l'âme, dans l'autre âme auquel elle se réfère, auquel elle s'applique, c'est dans la partie de cette âme qui possède le savoir, la Sophia. C'est là qu'elle se verra le mieux, c'est à travers cette âme-là qu'elle s'apercevra le mieux. Alors, quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'on a affaire, finalement, à un processus qu'on pourrait appeler un processus de dépersonnalisation. Plus nous allons vers nous-mêmes, plus nous discernons ce qui est vraiment nous-mêmes, et plus nous découvrons de l'impersonnel, puisque nous découvrons une autre âme, et une autre âme qui est présentée de façon tout à fait anonyme, et qui est le lieu du savoir, hein, qui est décrite à la troisième personne. C'est un « ça pense » plus qu'un « je pense hein. ». Et on va l'identifier au divin, Et dans un texte du Phèdre, justement, Socrate s'interroge, il se demande si en lui-même il n'y a pas quelque chose aussi comme du divin. Donc il y a ici un rapport assez étroit. Deuxièmement, ce qu'il faut aussi remarquer dans ce texte, c'est que si l'âme se connaît en s'apercevant dans une autre âme, et dans la partie la plus divine de cette autre âme, celle qui possède la connaissance, alors on se demande dans quelle mesure la connaissance de soi est encore au service du souci de soi. Pourquoi ? Parce que si c'est Dieu qui se dévoile, si c'est en Dieu que je m'appréhende, et que je m'appréhende finalement à son image, eh bien, ça veut dire que moi aussi, je participe à une destinée divine. Pourquoi aurais-je à me soucier de moi-même si je suis un Dieu ? Si je me vois en Dieu, et que du coup je découvre que je suis moi-même un Dieu... Alors le travail est fini. J'ai pas besoin de m'améliorer, je suis déjà divin. Je suis déjà divin. Ouais. Le souci de soi, finalement, disparaît. Alors que c'était précisément pour ce souci de soi que la question de la connaissance de soi avait été posée. Oui, mais peut-être faut-il... S'améliorer. C'est ça, peut-être faut-il ce travail d'amélioration pour saisir en soi cette part divine. Peut-être que là on est déjà au terme de la quête. Peut-être. En tout cas, ça ne nous est pas présenté comme cela. Ça nous est présenté simplement ici comme, si l'on veut se connaître, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver une autre âme, aller voir dans cette autre âme la partie la plus centrale, celle où il y a la connaissance et le savoir, et c'est là que du coup, comme dans un miroir, on s'apercevra soi-même. Ok. Bon. Alors, il y a un troisième problème. Cette âme divine, ou cette partie de l'âme divine, grâce à laquelle je me connais, mais qui n'est pas moi. Est-ce qu'elle se connaît elle-même ? Ce médiateur, est-ce qu'il se connaît lui-même ? Il y a deux réponses possibles. Ou bien, il ne se connaît pas lui-même, donc il est dépourvu de connaissance de soi. Et à ce moment-là, on voit mal pourquoi ça serait un dieu. Ça semblerait être une imperfection. Ou bien, il se connaît lui-même. Et s'il se connaît lui-même, se connaît-il ? Comme moi, je me connais lui-même à travers un autre. S'il se connaît à travers un autre... Oui, c'est sans fin. Vous avez une régression à l'infini. Alors, il y a une troisième possibilité. C'est pas Socrate, tout simplement, qui joue ce rôle ? Je crois que vous avez raison. Mais je vais, même je que vais, t'es une sage-femme, il dit « je suis pas sage moi-même et je fais accoucher les autres de leur sagesse », peut-être est-il ce reflet dans lequel les hommes se mirent pour découvrir leur divinité. Je crois qu'en effet, on peut retrouver cela à partir de la remarque suivante. Il se pourrait, c'est une interprétation, mais pour sortir de cette régression à l'infini qui nous menace, pour éviter en tout cas de sombrer dans cette régression à l'infini, peut-être devrait-on admettre que cette partie de l'âme en laquelle je me reconnais et qui n'est pas évidemment moi, qui est autre que moi, c'est justement la réflexivité même, au sens où ce Dieu grâce auquel je vais accéder à ma connaissance, ce Dieu est parfaitement conscient de lui-même. C'est une pensée qui se pense elle-même. Ça, c'est Aristote qui le développera plus tard, mais on pourrait ici faire l'hypothèse qu'il y a une réflexivité complète de Dieu. Et c'est précisément parce que Dieu est ce miroir intérieur, ce miroir qui s'observe lui-même, qui se réfléchit de l'intérieur, qui réfléchit non pas à des réalités extérieures, mais qui se réfléchit lui-même, que moi-même me rapportant à ce Dieu, je suis incité par ce propre Dieu à devenir à mon tour réflexif. Donc la réflexivité n'est pas au départ, elle est à la fin, elle est dans ce processus par lequel je m'approche de cette autre âme divine, découvrant en elle de la réflexivité, je suis par elle-même renvoyé à moi-même. Et je deviens à ce moment-là réflexif. Et on pourrait dire que tout le parcours socratique, qu'est-ce que c'est que l'interrogation socratique ? C'est le travail de la réflexivité. Et donc on pourrait en effet dire que on comprend pourquoi Socrate a reçu de l'Apollon de Delphes sa mission. L'Apollon de Delphes, c'est celui qui se connaît parfaitement lui-même. Et en interrogeant l'Apollon de Delphes, l'Apollon n'a pu que faire la réponse qui correspondait à sa nature. Connais-toi toi-même, comme moi-même je me connais. Et donc, on est renvoyé par la même occasion, à soi-même, et au travail d'interrogation sur soi. Donc à ce moment-là, effectivement, Socrate, oui, c'est le maître qui nous conduit à nous-mêmes. Comme le prof de philo face à ses élèves, non ? N'exagérons rien. Bah, et pourquoi pas, finalement, c'est ce miroir dans lequel les élèves se regardent et se disent « Tiens, je peux devenir le dieu qu'il est ». Le dieu réflexif. Mais bien entendu. Mais c'est quand même une certaine conception de la philosophie et pratique de la philosophie qui est véhiculée dans ce texte-là et dans ce que vous dites. Ça veut dire qu'au fond, la philosophie serait cette activité de réflexivité consciente d'elle-même. Qui s'efforcerait à la plus grande conscience de soi. Et donc, du même coup, ça éviterait aussi de limiter la réflexivité à la seule apperception, pourrait-on dire, transcendantale, la pure et simple conscience de soi. Ça pourrait être aussi cette réflexivité grâce à laquelle, comme dans un miroir, je saisis toutes mes imperfections, tout ce qui est peut-être qui n'est pas de la pure pensée, mais qui peut être du désir, qui peut être de l'appétit, qui peut être et puis aussi de la simple opinion. Et donc c'est l'ensemble de ma vie psychique qui viendrait ainsi à être dévoilé, décrite et éventuellement récusée si évidemment j'y découvre de la camelote, c'est-à-dire des opinions qui se font passer pour des connaissances. Je rappelle, Fulcran Tesserin, la citation que vous avez donnée de l'Apologie de Socrate. Je vais jusqu'à dire, dit Socrate, qu'une vie à laquelle cet examen ferait défaut ne mériterait pas d'être vécue. À méditer donc. Merci beaucoup, Fulcran Tesserin, d'être venu ce matin. Eh bien, jeter un éclairage nouveau sur cette phrase, ce contresens philosophique « connais-toi toi-même ». Je rappelle qu'on peut lire de vous plusieurs ouvrages sur Platon qu'on mettra en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Vous êtes en train de travailler sur une édition scolaire du Gorgias, n'est-ce pas ? Tout à fait. Merci, car grâce à vous, au terme de cette émission, on peut dire, comme Jean Gabin, maintenant, je sais. Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Et oui, on n'arrête pas d'apprendre sur les chemins de la philosophie sur France Culture, surtout quand il est l'heure de retrouver Aurélien Bélanger et sa question philo du jour. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Alors, votre question aujourd'hui est la suivante. À quoi sert l'espace ? Eh bien, tout simplement à y tourner des space opéra. Alors, je suis justement en train d'en regarder un de space opéra, la série The Expanse. Ça faisait des années que je n'avais pas regardé de série, et la science-fiction était un genre que j'avais un peu laissé tomber. J'étais ainsi tout excité, parce que je voyais, malgré les habituels défauts du genre, des dialogues beaucoup trop longs de tous les personnages sur leurs quatre consciences, à cette habituelle sous-intrigue spatiale qui se répète à peu près à chaque épisode. Le sas est fermé, il faut qu'on trouve un moyen de le débloquer, Pookie. Mais l'intrigue principale, elle, m'a beaucoup séduit, et même un peu plus que cela. On est à peu près dans 2 siècles, la colonisation du système solaire est bien avancée, et je pense que la série tient sa force de ce qu'elle arrive à dérouler l'intrigue exacte rendue possible par la configuration spatiale du système solaire. Les scénaristes nous donnent vraiment l'impression d'avancer entre les orbites des planètes comme on crocheterait une serrure. C'est ce mouvement fin du poignet et des doigts, cette façon de conduire le Rossi, le vaisseau principal de planète, en astéroïde qui conduira à débloquer l'intrigue enfouie dans les étoiles. Vous voulez dire parce que la colonisation du système solaire serait écrite d'avance? Disons qu'elle a quelque chose d'aussi déterminé que la géographie. L'histoire peut être le chaos que l'on veut, quelques fondamentaux en ont dessiné à l'avance les grandes lignes. Si de la démocratie en Amérique fonctionne autant comme récit prophétique, c'est sans doute en raison du soin que met Tocqueville à examiner la géographie du continent comme on examine les lignes d'une main. Que Mars devienne indépendante et prenne la forme d'une Sparte guerrière me paraît ainsi relativement inévitable, comme le fait que la Terre sombre dans une relative indolence, un engourdissement provoqué par la surabondance de l'oxygène. De même, que la ceinture d'astéroïdes soit un repère de pirates et de contrebandiers qui tentent de s'unir en nation caribéenne pour que cesse l'exploitation de leurs ressources par la Terre et par Mars, cela me semble procéder d'une belle évidence narrative. Je déteste regarder de la SF en me disant que c'est une métaphore de notre monde. Je ne vois pas l'intérêt, ni artistique, ni politique, de bâtir des arcs narratifs immenses pour le seul plaisir masochiste de se prendre la corde dans le visage. The Expanse arrive, dans ses meilleurs moments, à me provoquer la sensation exactement inverse. J'arrive vraiment à y voir le futur de notre monde. Et donc l'espace jouerait le rôle d'une sorte de frise chronologique ? Exactement, sauf que c'est une frise un peu truquée, voire prophétique, mais comme l'était déjà le Mississippi chez Tocqueville. Il y a des événements fantômes, des points d'espace à activer pour passer à la suite. La Lune n'était que la première porte et Mars la seconde. On pourrait dire que c'est là une vision étroitement déterministe et un peu plate du grand récit de la conquête spatiale. Sauf que la frise chronologique s'effiloche depuis l'origine, comme dans ces superbes visualisations de toutes les missions spatiales successives que l'humanité a lancées depuis Sputnik, jusqu'à Voyageurs, en passant par les missions Apollo et Rosetta. L'évidence chronologique semble perdue dans le ciel à la Van Gogh que toutes ces orbites entremêlées dessinent. Et on se met très presque à donner raison à l'un des grands perdants de l'histoire de l'espace, au Descartes, de la théorie oubliée des tourbillons. Invalidée par la physique, cette théorie aurait été in fine sauvée par l'histoire. Quant à l'histoire, elle aurait été sauvée d'elle-même par la géographie du ciel, secrètement influencée pour accomplir un ordre secret. Et voilà donc, à la fin, à quoi sert l'espace ? À rendre vraie une science maudite, celle des dispositions de la géographie stellaire, une science qu'on a longtemps appelée l'astrologie. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Laure Blanqui en compagnie de Jules Barbier, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Azubert. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des contresens philosophiques. Après le « Connais-toi toi-même » aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas dit la formulation grecque, Fulcran Tesserin, du « Connais-toi toi-même », je vous laisse la dire. Gnotis auton. Voilà, quand même, il fallait la dire. Eh bien, demain donc, ce sera une formulation qu'on a traduite en français, justement, mais qui est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît, c'est celle de Hobbes. « L'homme est un loup pour l'homme ». On la sort à chaque fois qu'il y a un contexte belliqueux ou de conflit. Qu'est-ce que Hobbes voulait vraiment dire avec cette citation qu'on ne trouve pas dans le Léviathan mais dans un autre texte? Ce sera Luc Foineau qui viendra répondre à ces questions demain pour vous. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger, la podcaster grâce à l'application Radio France. Très facile à télécharger, qui vous permet d'écouter gratuitement autant d'émissions que vous le voulez et de les garder sur votre ordinateur ou votre téléphone pour aussi longtemps que vous le souhaitez. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.